même pas calculé. Cette nana qui est venue se coller, t'es 100 fois plus belle qu'elle. D'ailleurs, je sais même pas comment elle s'appelle. D'abord, je regarde même pas les autres que toi quand t'es pas là. Juré, j'ai pas ce qu'elle voulait. Si tu crois pas, va lui demander. Les vrais hommes sont dans les beaux bars. Promis chérie, ce soir je rentre pas tard. Les vrais hommes sont dans les beaux bars. Promis, juré, craché. Aujourd'hui j'ai pas arrêté. J'suis mort, j'suis épuisé. Au boulot ils m'ont fait chier. J'ai besoin de décompresser. Comment ça j'pue l'alcool? Moi j'trouve que je sens le stimorol. Franchement mais un bémol, j'me sens traqué par Interpol. Les vrais hommes sont dans les beaux bars. Promis chérie, ce soir je rentre pas tard. Les vrais hommes sont dans les beaux bars. Promis, juré, craché. Jour, j'ai fait mes rides, une fois par mois, une fois par toi. Là, je suis comme un seul homme, seul, seul avec mes bobards. Ce soir, le roi des connards pourra rentrer en retard. Match après match, va falloir que je gagne ma plaque. Les vrais hommes